pourquoi quand je marche dans la rue, j'ai toujours envie de manger. Et quand je vois ton gros cul, j'ai plutôt envie de gerber. Y'a tellement de questions qui me turlutent, que j'en ai fini par oublier que t'es une pute. Tu m'as pris pour un vulgaire chiffon, que tu jettes comme un vieux tampon, salope. Pour toi, homme rime avec sexe et portefeuille. Pour moi, ça rime plutôt avec grosse conne et téléphone. Quand je serai mort, je voudrais me réincarner en collier. Pour ton gigolo de flop, que je puisse t'étrangler. Je ne te souhaite pas la mort, je pense, mais plutôt une horrible souffrance. Combien de phallus te faut-il pour arrêter de faire pleurer tes cœurs au sexe abîmé, salope? Salope. Allez, salope.